On va parler d'un nouveau sport qui existe depuis quelques années. Ça s'appelle le canicross. Le Nouvel Hebdo a fait un article un peu avant les fêtes. Et je devais faire une entrevue avec elle durant les fêtes, mais malheureusement, un manque de temps a fait en sorte qu'on n'a pas été capable de se parler. Mais là, on va en parler avec celle qui est pas mal la responsable du canicross, ce nouveau sport qui se pratique avec son chien. Elle est de Girardville, c'est Mélanie Dallaire. Bon après-midi, Mélanie. Bon après-midi. Mélanie, c'est quoi le canicross? Ben, c'est pas compliqué. Dans le fond, c'est de la course à pied avec notre chien. OK. Notre chien, il se trouve à être devant nous. Il nous tire avec son harnais. OK. Et puis, on court avec lui. On profite de sa traction pour pouvoir courir plus vite. OK. Ça existe depuis quand, ce sport-là? Ben, je saurais pas te dire depuis quand que ça existe précisément, mais ça, c'est un sport qui vient d'Europe, là, principalement. Ici, au Québec, là, je te dirais que ça fait une quinzaine d'années là, que ça se pratique de plus en plus. Puis ça, c'est-tu les chiens? J'imagine qu'il faut vraiment avoir une éducation avec son chien. Il faut que son chien s'est entraîné. Il faut que son chien s'est... C'est parce que c'est pas n'importe quel chien. Il faut que ton chien ait quand même une grosse pesanteur, j'imagine. Là. C'est pas nécessaire. Il y a une fille qui fait des courses... puis elle se classe très bien là, dans les courses, là. Puis elle a un petit pincher croisé, là. Il est tout petit, mais il tire. Puis c'est sûr qu'elle, il faut qu'elle court plus vite. Il va l'aider moins fort dans les côtes. Mais okay. Ça se pratique avec n'importe quel chien qui veut bien tirer. OK, OK. Mais j'imagine que ça prend quand même une certaine pesanteur, un chien d'au moins une trentaine de livres. Ben, c'est sûr qu'une trentaine de livres, là, on commence à sentir vraiment une bonne traction, là. Okay. Il est plus capable de nous aider, effectivement. Puis ça, la course, c'est-tu en mètres? C'est-tu jogging? C'est en kilomètres? Comment ça marche, en fait, cette course-là? Ben, c'est sûr que quand on commence, on commence tranquillement. On fait un kilomètre, tranquillement, un kilomètre et demi, deux kilomètres. C'est sûr que c'est comme... nous, les humains, là, on y va tranquillement pour pas se blesser, puis pour garder le chien qui ait encore envie d'y aller, parce que faut pas l'écœurer non plus. Là. S'il trouve ça trop dur, ben il voudra plus tirer. OK. Fait que c'est ça. On commence avec des chiens au moins âgés d'un an. OK. Puis c'est ça. L'idéal, c'est d'y aller les premières fois avec quelqu'un qui en fait déjà, puis qui a un chien déjà habitué. OK. Fait que, comme ça, ça aide le nouveau chien qui commence à apprendre. Ben, il va surtout se référer à l'autre chien. Puis souvent, ben, il imite l'autre chien. Fait que... Ça prend-tu bien du temps avec ton chien devienne bien éduqué, devient bien élevé puis être compétitif? Là? Ben, ça dépend combien de temps que tu mets par semaine. OK. Okay. C'est comme dans tout. Mais c'est sûr qu'il y a des chiens qui vont avoir plus de facilité que d'autres. Il y en a de tous les caractères. Il y en a qui vont avoir l'attraction plus dans le sang que d'autres. Il y en a qui ont besoin d'être plus stimulés. Ça dépend des chiens, je dirais. Okay. Mais évidemment, si on veut performer plus, ben l'humain aussi, il faut qu'il s'entraîne de son côté. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu me disais, pouvoir... Tu me disais avant de rentrer en onde, c'est vraiment un sport d'équipe, là. Le chien autant ben que oui. L'homme, là. C'est ça qui est le fun, là. Ben oui, c'est ça qui est le fun, parce que ton but, toi, c'est d'aider le plus possible ton chien pour qu'il soit capable de t'aider en retour le plus possible. Fait que, okay. Ça met vraiment une belle énergie, là, puis quand tu sens que t'es capable d'aider ton chien du meilleur que tu pouvais, puis que lui, il a tout donné ce qu'il voulait aussi, ben c'est encore plus gratifiant, puis ça donne une nouvelle relation entre le maître et son chien aussi, là. Ben oui, c'est sûr. Là, comment ça marche, je veux dire, y a-tu des disciplines au sein du Lac-Saint-Jean? Y a-tu des compétitions qui se font? Toi, tu compétitionnes-tu? Comment ça marche, là, tout ça, là? Comment ça marche? Ben, on peut pratiquer le canicross comme loisir. OK. Nous, à Girardville, on organise des petites sorties au moins une fois par semaine. Puis, on fait ça pour le fun. Puis, en même temps, ben, ça nous entraîne. Puis, ça fait sortir les chiens. Les chiens voient être d'autres chiens. Fait que c'est vraiment plaisant. Comment vous êtes à Girardville? Ben, là, ce temps-ci, c'est plus tranquille parce que c'est difficile d'avoir des sentiers assez bien tapés puis pas glacés pour pouvoir courir. Mais sinon, quand on a des belles températures et des beaux sentiers, là, on est facilement 10 à 12 personnes qui viennent courir avec leurs chiens. C'est bon, ça. Puis c'est de toutes les races, là. Tu peux avoir des Golden, tu peux avoir des Bouviers, j'imagine. Tu peux avoir exact. Toutes sortes. Exactement, là. Ça doit être. Non, oui, n'importe doit... quel chien. Toi, tu as vu ça quand? C'est qui t'a fait connaître ça? Mais moi, en fait, j'avais des chiens de traîneau avant. OK. Et puis, quand j'ai lâché des chiens de traîneau, bon, j'avais plus de chiens à la maison. On a décidé qu'on voulait avoir un chien de chasse. On est allé vers le Labrador. Et puis, quand j'ai eu mon Labrador, ben mes sports de traction me manquaient, évidemment. Puis, j'ai vu sur Internet qu'on pouvait courir avec notre chien en traction. Mm. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis équipée, puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé ça chez nous tout seul. Mais là, je trouvais ça un peu plate. Ouais, ouais. Fait que j'ai fait une annonce sur Facebook, s'il y avait des gens qui voulaient venir avec moi. Tranquillement, on s'est bâti un bon petit groupe à Gérardville. Puis après ça, ben j'ai connu notre club régional Sport Attraction Canin, okay. Qui englobe vraiment tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'est plein de passionnés aussi qui pratiquent ce sport-là. Fait que là, j'ai pu en prendre plus, puis connaître d'autres personnes qui pratiquent le sport. Puis après ça, pouvoir participer à quelques courses qui sont organisées à travers la province. Parce que je voyais sur Internet, avant de rentrer en onde, j'ai fait ma petite recherche, puis j'ai relu l'article que Denis Hudon avait fait dans le Nouvel Hebdo, puis je voyais que, puis je suis allé voir ailleurs aussi, ça gagne en popularité de plus en plus, hein. Il y a même une fédération, c'est un... Oui, ben c'est justement... tous les clubs sont affiliés à la fédération. OK. OK. Ouais. Dis-moi... c'est ça. Ouais. Dis-moi, est-ce que... Tu as parlé beaucoup de participation, mais est-ce que vous faites des courses de compétition à Gérardville? À Gérardville, on n'a pas organisé encore. OK. C'est vraiment le club là, Sport Attraction Canin qui l'organise. On fait toujours deux courses par année, soit une à l'automne et une à l'hiver. Okay. On en a une qui s'en vient là, justement le 9 février. Ça va être au club de ski de fond Le Dorval à Alma. Okay. Il va y avoir du canicross. Il va y avoir aussi du ski joring. Ça, c'est avec des skis de fond. Ah oui. Ensuite, il va y avoir la trottinette. Ça, c'est deux chiens sur un mini traîneau. Ensuite, il va y avoir aussi une nouveauté cette année, c'est le fat bike joring. Autrement dit, c'est un vélo avec un chien en avant, mais là, ça va être le fat bike parce qu'on est l'hiver. OK. Et ça, c'est d'autres chiens qu'on peut, pas d'autres chiens, d'autres sports canins qu'on peut pratiquer avec un ou deux chiens. C'était ça ma prochaine question, puisque là, tu as parlé du canicross, mais là, il y a d'autres compétitions. Mais est-ce que le canicross, de tous les sports que tu as connus, ou que tu as parlé, c'est-tu le plus populaire? Mais je dirais que oui, parce que c'est plus accessible. Okay. Ça prend moins de choses. Tu veux dire, une bonne paire de chaussures, la ceinture de canicross, la corde élastique, puis le harnais pour le chien, puis t'es prêt, là. Mm. C'est sûr que pour pratiquer le ski de joring, là, ça prend l'équipement de ski de fond, la trottinette, ben là, ça prend le traîneau, ça, ça ces choses-là, mais le canicross, il reste vraiment le plus accessible, là. OK. Ça doit aussi avoir beaucoup plus d'entraînement. C'est peut-être le sport le moins compliqué pour s'entraîner avec son chien aussi, là. Oui, ben oui, c'est ça. Ça prend 5 minutes, tu t'habilles et t'es prêt à y aller. OK. À Gérardville, vous faites vos dans quel sentier vous faites ça? On a des sentiers privés qu'on a des permissions, puis on utilise aussi notre véloroute, on a une véloroute en poussière de sable, en poussière de roche, pardon. Puis c'est ça, on se promène dedans pas mal l'été, là, puis c'est un super beau sentier, des beaux paysages. Puis, bon, ouais. Ben Mélanie, bravo, c'est une belle petite discipline, j'aime bien ça. Écoute, j'adore les chiens, oui? Je suis un maniaque de chiens, sauf que je ne verrais pas Hachi là-dedans, parce que mon chien, écoute, il pèse 15 livres, là, fait que je ne suis pas sûr que lui, pas sûr qu'il me balancerait, là. Mais au plaisir de s'en parler, puis j'aide pas s'il y a quelque chose. Bien, c'est bien parfait. Puis j'invite tout le monde à suivre notre page Facebook du Sport Attraction Canin. Oui. On organise des courses, mais aussi des initiations pour ceux qui veulent essayer ou venir voir comment ça fonctionne. Mais ils seront les bienvenus. Bien, merci beaucoup, Mélanie, puis au plaisir de se parler.